50 languages. 30 Au restaurant 2 Au restaurant 2 من فضلك عصير التفاح Un jus de pomme s'il vous plaît Un jus de pomme, s'il vous plaît. من فضلك عصير الليمون. Une limonade, s'il vous plaît. Une limonade, s'il vous plaît. من فضلك عصير البندورة. Un jus de tomate, s'il vous plaît. Un jus de tomate, s'il vous plaît. من فضلك كأس نبيذ أحمر. J'aimerais un verre de vin rouge. J'aimerais un verre de vin rouge. من فضلك كأس نبيذ أبيض. J'aimerais un verre de vin blanc. J'aimerais un verre de vin blanc. من فضلك زجاجة شامبانيا. J'aimerais une bouteille de champagne. J'aimerais une bouteille de champagne. هل تحب السمك؟ Aimes-tu le poisson? Aimes-tu le poisson? هل تحب لحم البقر؟ Aimes-tu le bœuf? Aimes-tu le bœuf? هل تحب لحم الخنزير؟ Aimes-tu le porc? Aimes-tu le porc? أريد شيئاً بدون لحم. Je désirerais un plat sans viande. Je désirerais un plat sans viande. أريد طبق خضروات مشكلة. Je désirerais un plat de légumes. Je désirerais un plat de légumes. أريد شيئاً على وجه السرعة. Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. هل تريده مع الأرز؟ Voulez-vous du riz en accompagnement? Voulez-vous du riz en accompagnement? هل تحبه مع المعكرونة؟ Voulez-vous des nouilles en accompagnement? Voulez-vous des nouilles en accompagnement? هل تريده مع البطاطا؟ Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? لا أستسيغ هذا الطعام. Ça ne me plaît pas. Ça ne me goûte pas. الطعام بارد. La nourriture est froide. La nourriture est froide. لم أطلب ذلك. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ce n'est pas ce que j'ai commandé.